La mythe, mon ennemi, c'est mon ennemi. Regarde autour de toi, tout le monde te la mise. On rêve tous d'avoir une belle vie. Caviar, champagne, pas de RMI. Grosse caisse, Ferrari. 100 à balle, j'fais le tour de ma ville. J'suis bleu encore, à ton avis. J'refais le monde, j'pense à ma vie. Les gens me disent, Jules, c'est quand l'album? Rien qu'on t'écoute, frérot, c'est la bombe. J'espère que cette fois, c'est la bonne. Même ta femme m'écoute, et ça t'étonne. Mon sang vient d'ailleurs. Jette-toi sur la piste et full fire. J'trouve plus les mots. J'regarde la lune avec un flash et j'dis tout haut. Ce que les gens pensent tout bas. La la la la la la la la. Je suis loin, je pense aux grosses sommes. Je fais pas comme les gens, j'attends pas qu'on me sonne. Si mon son me plaît pas, va te promener. On s'est juré de rester comme on est. Dieu seul sait comment ça se finira. Si tu fumes, tu bois, tu t'en mets dans le nez. Fais gaffe les anges, ils peuvent t'emmener. Quand y'a des histoires, faut pas s'en mêler. Faut pas s'en mêler. Mais si c'est deux amis, poto, calme-les. Mon sang vient d'ailleurs. Jette-toi sur la piste et full fire. J'trouve plus les mots. Avec un flash et j'dis tout haut. Ce que les gens pensent tout bas. Mon sang vient d'ailleurs. Jette-toi sur la piste et full fire. J'trouve plus les mots. J'regarde la lune avec un flash et j'dis tout haut. Ce que les gens pensent tout bas. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Avec un flash, j'dis tout haut. Ce que les gens pensent tout bas.